s'il n'y a pas d'autre solution à ce qui brûle en moi. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui me ronge. Mais je ne suis pas le monstre, mais le monstre est en moi. Mais je ne suis pas le monstre, mais le monstre est en moi. Je m'en vais rôder dans les nuits noires de Londres, chasser tapis dans l'ombre de celles qui vendent leur corps pour l'ultime corps à corps. Et je rentre repu dans ma tanière dorée. Mais là, mais là, je n'en peux plus. Et dites-moi pourquoi je me sens si fatigué. Mais dites-moi pourquoi je me sens si cassé. Je ne vis que la nuit de la flamme qui éclaire les flaques de boue, les flaques de pluie. Je m'en vais rôder dans les nuits noires de Londres, chasser tapis dans l'ombre de celles qui vendent leur corps pour l'ultime corps à corps. Je rentre repu dans ma tanière dorée. Mais là, mais là, je n'en peux plus. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui brûle en moi. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qui me ronge. Quoi faire de ce mal à se laisser aller à l'instinct animal qui me ronge, qui me ronge. Je m'en vais rôder dans les nuits noires de Londres, chasser tapis dans l'ombre de celles qui vendent leur corps pour l'ultime corps à corps. Et je rentre repu dans ma tanière dorée. Mais là, mais là, je n'en peux plus. S'il n'y a pas d'autre solution à ce qu'il m'arrive, il faut laisser sortir la bête. Je n'y peux plus rien. Quand des tréfonds elle remonte et qu'elle veut m'échapper, je retourne dans la pénombre des rues de Londres. Alors je guette porte cochère, impasse lugubre, chasser tapis dans l'ombre celles qui vendent leur corps, filles des caniveaux, filles de livres qui ne méritent plus de vivre. Et sous mon coup de